بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, avec la permission de notre Seigneur, Subhanahu wa Ta'ala, sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari, Rahimahullahu Ta'ala, en lui demandant, Sa'ilin Allah, Jalla wa Ala, an yanfa'ana bihadha al-ilm, wa an yaj'alahu fi mizani hasanatina jami'an, kama nas'aluhu Jalla wa Ala, al-ikhlasa fi al-qawli wal-amal, والتوفيق والسداد وبعض. Donc la fois dernière, on était arrivé à un nouveau hadith. Donc on est toujours sur l'étude du chapitre concernant l'explication de l'attribut de la science. Et donc on était arrivé à l'étude d'un nouveau hadith lorsque l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit: قال المصنف رحمه الله تعالى ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول سبحانه لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. Donc ensuite l'imam al-Bukhari nous mentionne un nouveau récit d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit, donc elle dit, celui qui te dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur, il a certes menti. Parce qu'Allah jalla wa ala dit, la tudrikuhu al-absar. Une traduction relative du sens du verset, il est inaccessible au regard. C'est-à-dire notre Seigneur, subhana, est inaccessible au regard. Ou bien on pourrait le traduire en disant les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent atteindre notre Seigneur. Donc une traduction relative hein, du sens du verset. Donc les regards ne peuvent l'atteindre. Ensuite elle dit, notre mère Aïcha, وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Et elle dit, et celui qui te dit, qui te raconte qu'il connaît la science de l'inconnu, alors il a certes menti, puisque Allah Jalla wa Ala dit que personne ne connaît l'inconnu si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, l'imam al-Bukhari donc a mentionné ce hadith, ce récit, et celui qui nous rapporte cela c'est Masruq. Masruq donc c'était un grand parmi les pieux prédécesseurs, et on avait déjà parlé, on avait déjà évoqué certains traits de sa vie et de sa biographie. Et Masruq, justement, c'est une personne qui a marqué aussi son temps. C'était un grand homme. Et lui, il a vécu à l'époque des compagnons. Et surtout, il était élève, justement, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est même considéré comme un muhadaram. Un muhadaram, c'est quoi? C'est ceux qui ont vécu à l'époque des compagnons et qui ont vécu aussi du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas rencontré le prophète. Donc, ils n'ont ni vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ni ils n'ont rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-muhadaram. Ceux qui, justement, al-muhadaram, c'est ceux qui n'ont pas vu le prophète, alayhi salatu wa sallam, et ne l'ont pas rencontré. Et donc, al-Masruq était considéré comme un muhadaram. Le fait qu'il a vécu à cette époque, à l'époque des compagnons, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est évoqué dans sa biographie, mais il n'a pas rencontré, il n'a pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est rapporté aussi qu'il a appris auprès de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et Aïcha le considérait, et elle le considérait parmi ses enfants, elle le considérait comme un de ses enfants, tellement qu'elle avait de la considération pour Masruq, et Masruq était réputé, à l'époque, il faisait partie ensuite des grands savants et des grands imams, des grands dévots et érudits de son temps. C'est pour ça que Masruq, je réfère les frères justement et les sœurs à revenir à la biographie de cet grand homme. C'est lui dont l'imam Shabi disait à son sujet, je ne connais pas de plus grand étudiant de Talib al-Ilm, je ne connais pas de plus grand étudiant venant de toutes les horizons, si ce n'est Masruq, cet homme. Pour lui, Shabi, il disait, son témoignage de Masruq, c'était qu'il ne connaissait pas un plus grand étudiant en sciences religieuses, si ce n'était cet homme, Masruq. Donc vraiment, il a marqué son temps. Et jusqu'à ce que Ali ibn al-Madini, qui était aussi une grande figure hein, parmi les grands imams, parmi les premières générations, Ali ibn al-Madini, ce grand érudit savant, à l'époque, il disait, parmi ceux qui ont prié derrière Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, je ne connais pas meilleur que Masruq, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc regardez, ça c'est le témoignage de ce grand savant, ce grand imam érudit, qui s'appelait Ali ibn al-Madini. Donc Ali ibn al-Madini, c'était une grande référence dans la science de la tradition et des récits du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et justement de sa connaissance des hommes. Donc Ali ibn al-Madini avait une profonde connaissance des hommes. Et lui, il dit que parmi les hommes qu'on priait derrière Abu Bakr à l'époque, pourquoi? Parce que Masruq était vivant à l'époque des grands compagnons, donc il a vécu justement c'est le temps des califats, il a vécu le califat de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, donc il a vécu le califat des grands compagnons, et justement Ali ibn al-Madini, en décrivant Masruq, il dit qu'il ne connaît pas meilleur parmi ceux qui ont prié derrière Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, qu'Allah les agrée tous. Donc Masruq, cet homme, c'est lui qui nous rapporte, d'après Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, ce hadith et ce récit. En l'occurrence, Masruq, c'est lui, à l'époque, dans l'une des allocutions, dans la première allocution, lorsqu'on avait parlé de certains pieux et dévots de notre communauté, on avait rapporté ce témoignage de l'épouse, justement, de Masruq, qu'elle justement aussi témoignait que Masruq était vraiment fervent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que parfois, alors qu'elle le voyait prier, donc parfois, souvent, elle s'assied derrière lui. Et elle était derrière lui, et elle témoignait vraiment de la ferveur de l'adoration de son époux, de son mari. Jusqu'à ce qu'elle dit, un jour, elle dit tellement qu'il priait, tellement qu'il était fervent dans son adoration, parfois même, elle en versait des larmes, et elle en pleurait tellement qu'elle voyait qu'il était vraiment constant, il était fervent, et jusqu'à un jour, elle témoigne que tellement qu'il priait, eh ben, ses pieds étaient gonflés. Ses pieds étaient enflés et gonflés du fait de cette ferveur et tellement qu'il adorait son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tellement qu'il priait et il accomplissait ses actes d'adoration. Donc, Masruq, il est dit qu'il s'appelle comme ça Masruqa, du fait qu'ils disent que quand il était petit, il a été dérobé, il fut volé. Et du fait qu'il fut volé, et plus tard, donc il a été retrouvé. Donc lorsqu'il était petit, il a été volé. Et depuis, il a eu ce surnom qui était donc Masruq. Masruq, c'est celui qui subit l'action d'être volé. Donc Masruq, c'est celui qui a été volé, en quelque sorte. Et certains disent comme ça dans sa biographie, comme vous pouvez retrouver ces différents témoignages et paroles dans différents livres de biographie. En l'occurrence, vous allez retrouver cette chose qui est mentionnée dans la biographie de Masruq. De Masruq, lui, rapporte cela de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et elle disait que celui qui prétend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur, alors il a certes menti. Et en l'occurrence, ce récit qui nous est rapporté donc d'après Aïcha, donc c'est la parole de Aïcha radiallahu ta'ala anha, la mère des croyants, l'une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, comme on a observé tout à l'heure, on a dit donc c'est Masruq qui rapporte cela de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et on peut regarder dans la chaîne de transmission, la chaîne des narrateurs, on voit que celui qui rapporte d'après Masruq, c'est Ash-Sha'bi. C'est Ash-Sha'bi. En l'occurrence, donc, c'était l'un des grands élèves de Masruq. Et Sha'bi aussi était une grande référence. Il était réputé en son temps parmi les grands spécialistes de la science des hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est lui, justement, qui a fait ce témoignage qu'on a évoqué précédemment, lorsqu'il dit « Je ne connais pas de plus grand étudiant en science de toutes les horizons, si ce n'était Masruq ». Donc, vous avez vu ce témoignage envers son maître et son shir. Donc, dans la chaîne de transmission, vous pouvez voir qu'il y a Ash-Sha'bi, puisque l'imam Mohamed ibn Ismail, il rapporte d'après Mohamed ibn Yusuf, Haddathana, qui rapporte d'après Soufiane, An Ismail, d'après Ash-Sha'bi, justement, d'après Ash-Sha'bi, d'après Masruq et d'après ensuite Aïcha. Donc, Aïcha disait d'une manière très claire que celui qui prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, a menti. Et elle dit aussi, pourquoi? Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, dans un verset, Allah nous dit, et vous pouvez retrouver ce verset dans la sourate Al-An'am, des bestiaux, Allah dit, et les regards ne peuvent l'atteindre. Une traduction relative du sens du verset. Ensuite, elle dit, et celui aussi qui prétend, donc c'est la mère, c'est notre mère, hein, la mère des croyantes, des croyants plutôt, Aïcha dit aussi, et celui qui prétend qu'il connaît la science de l'invisible et de l'inconnu, celui qui prétend connaître ses mystères, alors elle dit, il a certes menti. Pourquoi? Parce que Allah, Jalla wa Ala, dans un verset, nous dit clairement que personne ne connaît l'inconnu si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, l'imam al-Bukhari ici va conclure ce chapitre en évoquant justement la parole de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agré. Et Aïcha donc stipule et nous répond à une question, et c'est une question que les grands savants de l'islam ont traitée, et ils ont débattu sur cette question, et ils ont discuté sur cette question qui était posée très tôt, est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur? Donc, c'est la question concernant la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son Seigneur. Et Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et c'est Aïcha, elle niait cela. Elle niait le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait vu son Seigneur. Vous avez vu ici, l'imam al-Bukhari mentionne donc ce récit, cette parole qui nous est rapportée de notre mère, Aïcha, radiallahu ta'ala anha. لذلك قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب فقد كذب. طيب وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا أن لم يره؟ فقيل إنه رآه، ومن من قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تنكر ذلك كما رأيتم، وهذا في اليقظة. وأما في المنام فقد رأى ربه سبحانه وتعالى، كما في حديث الاختصام، أو كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث مشهور شرحه زين الدين ابن رجب رحمه الله تعالى. Ensuite, lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, va nous parler de cette question que les savants ont traitée et dont ils ont discuté. Est-ce que donc le prophète Hassam a vu son Seigneur? Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous enseigne ici, il nous dit que les savants ont divergé sur cette question. Alors, il y a des savants, et cela depuis les premières générations, c'est pas une question qui date d'aujourd'hui, depuis les premières générations, certains savants de l'islam avaient considéré que le prophète Hassam avait bien et bien vu son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, et d'autres savants ont considéré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'avait pas vu. Donc lorsqu'il traite de cette question, il parle bien sûr, c'est-à-dire du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pendant son éveil. Pourquoi je stipule bien pendant son éveil? On ne parle pas de sa vision dans son sommeil. Pourquoi? Parce que la vision du Seigneur dans le sommeil du prophète, en somme, c'est-à-dire que le prophète ait vu Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son sommeil, cela est confirmé. Cela est confirmé dans un récit. Et justement, ce récit s'appelle le hadith de Irtisam al-Mala'il Arla. Donc c'est un récit qui est célèbre, hein, qui est rapporté par At-Tirmidhi, min hadith ibn Abbas. Et c'est un hadith qui est rapporté de Abdallah ibn Abbas et qui a été authentifié, qui a été jugé bon et authentique par de nombreux spécialistes de cette science et de cette discipline. Entre autres, un des grands savants de notre communauté qui l'a commenté, expliqué ce hadith, pourquoi? Parce que c'est un hadith, un récit qui est célèbre chez les savants, et on a dit que ce hadith était nommé le hadith de Irtisam al-Mala'il Arla. Donc il était nommé de cette manière. Et un des grands savants qui s'appelait Zayd al-Din Ibn Rajab, justement, a commenté ce hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Et justement, ce livre de ce grand savant qui est célèbre dans la communauté, qui est une référence, Ibn Rajab, qui était d'obédience hanbalite, c'est pour ça qu'on appelle Ibn Rajab al-Hanbali, et ben, son livre était appelé « Ikhtiyar al-Awla fi sharh hadith Ikhtisam al-Mala'il A'la » de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Donc, en ce qui concerne l'explication de ce hadith, il a dédié, justement, il a consacré un écrit, une œuvre, pour l'explication de ce hadith. Donc, c'est un livre c'est un très bon livre, dont les savants nous conseillent la lecture de ce livre. Et dedans, justement, il va expliquer ce sujet, donc, le hadith relatif à la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son Seigneur dans son sommeil. Donc, dans son sommeil, cela est prouvé, et un hadith prouve cela, comme on l'a dit précédemment. Par contre, en éveil, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éveillé, c'est-à-dire hors sommeil, c'est là où il y a divergence entre les savants. Comme on a dit précédemment, certains savants de l'islam ont considéré cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah de son vivant et ici-bas, tandis que beaucoup d'autres savants considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir, personne ne peut voir Allah Jalla wa Ala ici-bas. Et en l'occurrence, l'imam al-Bukhari, justement, rapporte ce récit de Aïcha, la parole de Aïcha, qui, elle, démentait cela. Elle démentait le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait vu son Seigneur ici-bas. Et de ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, nous dit que le plus juste sur cette question, l'avis le plus probable, et le plus plausible concernant cette question, il dit que ce qui est authentique, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu son Seigneur ici-bas. Que le prophète, alayhi salatu wa sallam, on ne peut pas lui attribuer la vision de son Seigneur ici-bas. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit que lui-même, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a été interrogé, فَسُوِيلَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ. Est-ce que tu as vu ton Seigneur? فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, il est rapporté par, par l'imam Muslim, ce récit, donc c'est un hadith authentique, et le prophète a dit, j'ai vu une lumière. Donc lui-même, le prophète, lorsqu'il fut interrogé, il répondit qu'il vit une lumière. Et on a un autre énoncé aussi, qui est rapporté aussi par l'imam Muslim, et les deux récits qu'on vient de mentionner, c'est des récits qui sont rapportés par le compagnon Abu Dharr, radiallahu ta'ala an, qu'Allah l'agré. Et dans une autre version du récit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Nourun anna arahu ». Nourun anna arahu. Yani, baini wa bainahu nourun fa kayfa arah. Fa kayfa arah. Wa hadha kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'autre récit qui est rapporté du prophète, dans l'autre énoncé plutôt, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nourun anna arahu, Cheikh Ibn Uthaymeen explique en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nourun, une lumière, baini wa bainahu nour. C'est dans le sens que il a dit, entre moi et mon Seigneur, il y avait une lumière. Entre moi et mon Seigneur, il y avait une lumière. Fa kayfa ara. Donc comment pouvais-je le voir? Et wahada. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, ensuite, le Cheikh nous dit, et ça, c'est donc la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, est d'avis que le plus juste, c'est que on ne peut pas attribuer cette vision au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici-bas. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu son Seigneur ici-bas. Et de ce fait, par contre, les savants nous disent que là, il y aura la vision du Seigneur, mais dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Les croyants, aussi bien tous les croyants, que ce soit le prophète, et les pieux de cette communauté, de cette nation, et tous les croyants, tous ceux qui seront entrés au paradis, là, verront leur Seigneur. Ils verront leur Seigneur. C'est pour ça que les savants confirment la vision du Seigneur, mais dans l'au-delà. Dans l'au-delà, mais pas ici-bas. C'est pour ça que les savants confirment la vision du prophète Sarsam ici-bas, mais dans son sommeil, mais pas en temps d'éveil. Et par contre, dans l'au-delà, bien sûr, il la confirme qu'il n'y a point de doute sur cela, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, verra son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute sur cela. Et en plus de cela, tous les croyants, tous ceux qui seront rentrés au paradis, verront leur Seigneur dans l'au-delà. Et ça, c'est une question même de croyance, le fait que dans un récit, ou dans différents récits, dans de nombreux récits du prophète, en somme, il y a cette confirmation que les croyants, lorsqu'ils seront au paradis, la récompense ultime, après qu'ils aient été comblés de cette immense récompense d'être introduits et rentrés au paradis, et lorsqu'ils vont vivre les délices éternels, et lorsqu'ils vont vivre cette félicité éternelle, tout ce qu'il y a au paradis, ces jardins, qu'Allah Jalla wa Ala a réservé pour les croyants, pour les endurants, pour les persévérants, ceux vraiment qui ont accordé foi en son message et en ses prophètes et en ses messagers, et ceux qui ont été constants et patients avec leur foi dans l'obéissance à leur Seigneur, donc Allah Jalla wa Ala va les combler de cette immense récompense d'être introduits et de rentrer au paradis, de rentrer dans ces jardins où coulent des ruisseaux, et ces jardins où il y a des maisons qui sont bâties en briques d'or, où les arbres, leurs troncs sont en or, les arbres, leurs branches sont en émeraude, comme il est dit. Donc il y a de nombreuses descriptions sur ce paradis, cette récompense d'Allah Jalla wa Ala qu'il a réservée aux croyants. Jusqu'à même, tellement la récompense est immense et elle est grande, jusqu'à même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit cela en disant que nulle imagination ne peut s'imaginer ce qu'il y a au paradis. C'est pour ça que il est très difficile avec des mots de décrire le paradis. Allah Jalla wa Ala nous a décrit ce paradis dans le Coran. Vous pouvez voir une description du paradis dans le Coran, vous pouvez voir une description du paradis dans la tradition et dans la sunna de notre prophète, alayhi salatu wa salam. Donc ce paradis est décrit, et nous, en ce qui nous concerne, tellement ce paradis est immense, il est très difficile pour nous, à travers ces quelques minutes comptées, de décrire vraiment ce paradis et ces jardins et cette récompense qu'Allah Jalla wa Ala a réservé pour les croyants et les croyantes. Et C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce que nulle imagination ne peut s'imaginer. Il est très difficile de concevoir réellement la réalité de ces jardins, de ce paradis, hein, qu'Allah Jalla wa Ala a promis pour les croyants. Le prophète donc nous dit ce qu'il y a au paradis, ce que nulle imagination, peut s'imaginer, ce que nul œil n'a vu. C'est vraiment quelque chose d'immense. Donc ça sera une récompense immense et grande dont Allah Jalla wa Ala, qu'Allah va donner et dont il va combler ses serviteurs, les croyants et les croyantes. Et après cette immense récompense que vont avoir les croyants de la part de leur Seigneur dans l'au-delà, ensuite il y a la récompense ultime, c'est la vision du Seigneur. Alors que les croyants seront au paradis, ensuite il y aura la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde verra, tous les gens qui seront entrés au paradis verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cette vision sera une vision qui est claire et nette. Ils verront leur Seigneur et il n'y a point de doute en cela puisqu'il y a des textes aussi bien, les versets parlent de cela et font allusion à cette vision-là. Et aussi, il y a des récits authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est un sujet qu'on va peut-être, inshallah, aborder dans d'autres allocutions, inshallah. Dans tous les cas, ça, c'est la récompense qui est la plus grande récompense que recevront les croyants lorsqu'ils seront introduits et rentrés au paradis, le fait de voir leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ça que c'est important parce que vraiment, ça encourage et ça incite à la patience dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que lorsqu'on lit les récits de pieux prédécesseurs, comment ils étaient fervents dans l'adoration d'Allah, comment est-ce qu'ils étaient constants dans l'adoration d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cela dans leur cœur. Ils avaient cette croyance dans leur cœur. Ils étaient convaincus de tout cela, de tout ce que toutes les promesses qui sont mentionnées dans le Coran, tout ce qu'Allah, Jalla wa Ala, promet aux croyants, aux patients, aux endurants. Eh ben, ces gens-là avaient cela dans leur cœur, c'était ancré dans leur cœur. C'est cette récompense d'Allah Jalla wa Ala, promis, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a décrit dans sa sunna comme récompense qu'il a enseigné comme récompense à ses compagnons et à toute la communauté. Alors les gens, quand cela est dans leur cœur, lorsqu'ils ont la certitude en cela, lorsqu'ils y accordent foi, lorsqu'ils y croient, c'est pour ça qu'on voit dans notre communauté des gens qui ont vraiment été endurants et qui étaient des modèles et des exemples de patience et de persévérance, d'endurance. À titre d'exemple, par exemple, parmi les histoires et les récits qui nous étaient rapportés et qu'on peut retrouver dans certains livres, de gens qui, lorsque cette lumière de la foi, de l'iman, a pénétré leur cœur et lorsque ensuite, eh ben, ces gens-là étaient convaincus du message des prophètes et des messagers, ils étaient convaincus de la promesse de leur Seigneur. Alors parfois on lit des récits vraiment qui sont, on voit al-ajab al-ujab, on voit des récits qui sont vraiment vraiment étonnants, et on voit à travers ces récits des exemples exemplaires, des gens qui étaient exemplaires concernant la droiture, la patience. Regardez par exemple, on a un récit datant, un récit qui était à l'époque d'un des grands tyrans, l'un des plus grands tyrans qui a marché sur cette terre, un tyran, le plus grand tyran de son temps, qui était Pharaon. Pharaon. Et lui, Pharaon, se croyait lui-même et se pensait lui-même être un seigneur. C'est pour ça qu'il voulait que tous les gens soient soumis à lui. Et lui, il ordonnait aux gens d'être soumis à lui, donc il leur ordonnait la servitude et la soumission. Donc chaque personne, chaque individu en son temps devait être soumis à Pharaon. Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a des versets qui dénotent bien cela, lorsque des versets nous disent que, ou bien plutôt, ou qu'il est dit dans certains versets, que Pharaon dise aux gens « Ana rabbukum al-a'la » « Moi je suis votre Seigneur le plus grand, le plus élevé ». Donc lui prétendait être le Seigneur et disait à tous ses disciples et ses sujets, il leur disait « Je suis votre Seigneur le plus grand, le plus élevé ». Donc il ne fallait pas sortir à l'époque, il ne fallait pas sortir de cette règle. Et tous ceux qui contredisaient cela, qui allaient à l'encontre de cela, à l'époque de Pharaon, eh bien, étaient exécutés. Ils étaient exécutés et ils n'avaient pas le droit de sortir de cette soumission. Et regardez, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, la croyance en notre Seigneur, la foi, elle y mène. Lorsque cette lumière pénètre les cœurs, c'est une libération. Regardez, déjà à l'époque de Pharaon, et ça c'est un exemple, hein, de tyran, et lui faisait partie des plus grands tyrans que cette terre n'ait jamais connu. Regardez, lui, il se considérait comme le Seigneur. Donc tout le monde devait être soumis à lui. Alors à l'époque, il est rapporté que dans son palais, il y avait une coiffeuse. Et cette coiffeuse, c'était la coiffeuse de sa fille, en l'occurrence. Et cette coiffeuse, à un moment donné, elle a connu l'Iman. Et elle s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a connu la foi. Et elle s'est soumise à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il y avait elle et son époux. Elle et son mari. Et il nous est rapporté dans ce récit que lorsque Pharaon avait appris la conversion de cet homme, de l'époux de la coiffeuse, alors il l'a exécuté. Il l'a exécuté. Par contre, Pharaon n'était pas encore au courant de la conversion et de la soumission de la coiffeuse à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc elle était toujours coiffeuse et elle coiffait justement les filles de Pharaon. Et en l'occurrence, un jour, il nous est rapporté, alors qu'elle coiffait la fille de Pharaon, un jour le peigne, ou la brosse, hein, est tombé. Et lorsque la coiffeuse ramassa ce peigne ou cette brosse, alors elle dit au Seigneur, elle cita le nom d'Allah. Elle cita le nom d'Allah. Et là, la fille de Pharaon lui répondit, lui rétorqua, « Ton Seigneur, c'est mon père, c'est Pharaon. » Et plus tard, alors la fille de Pharaon alla répéter, justement à Pharaon, à ce tyran, ce qu'elle a entendu de sa coiffeuse. Et de là, ils ont déduit, et Pharaon a su que la coiffeuse aussi était convertie et croyant en Allah, subhanahu wa ta'ala, était soumise à Allah. Donc ensuite, il a fait venir et il la menaça tout simplement de revenir de sa religion, de revenir et de renier sa religion, en lui disant « Je ne connais aucun seigneur hormis moi ». Et elle devait justement reconnaître la seigneurie de Pharaon. Donc il lui demandait de revenir sur sa foi et de reconnaître la seigneurie de Pharaon, de lui-même, puisque lui se considérait comme le seigneur, et que tous ses sujets devaient être soumis à lui. Et ceux qui sortaient de cette règle, comme on l'a dit hein, juste avant, eh ben, étaient exécutés. Donc il a menacé la coiffeuse, et regardez cette pauvre femme, ici par rapport à sa faiblesse, regardez cette femme qui était seule, elle avait perdu son mari, donc qui était impuissante, regardez dans cette situation et ce contexte, donc elle est menacée, et Pharaon lui demande de revenir sur sa foi. Et il la menace en lui disant que si elle ne revient pas sur sa foi, elle sera exécutée, elle et ses enfants. Tout le monde sera exécuté, et pour cela, il a fait venir des grandes marmites. C'était une grande marmite avec de l'huile bouillante. Donc il l'a menacée avec cette huile qui bouillait, de l'huile bouillante, en la menaçant en disant de revenir sur sa religion et de reconnaître la seigneurie de Pharaon. Donc de renier la seigneurie d'Allah, le vrai créateur, et de reconnaître la seigneurie de Pharaon et que c'est lui son maître. Et comme on l'a dit, si elle ne faisait pas cela, alors elle serait jetée, elle, puisqu'elle avait ses enfants, si elle avait des enfants, et en l'occurrence, donc des enfants en bas âge, et elle avait un bébé aussi, elle avait un nourrisson avec elle. Alors Pharaon, lorsqu'il vit que cette femme était constante, et c'est pour ça que je vous ai cité, on a des récits, subhanallah, de différentes nations, lorsqu'ils étaient croyants, ils croyaient en Allah, subhanahu wa ta'ala, on voyait que cette croyance était inébranlable. Des gens vraiment que lorsque cette foi est rentrée dans leur cœur, et ben vraiment, vraiment, c'était des croyances qui étaient inébranlables et ils étaient vraiment constants. Regardez cette femme, comme on a dit, qui était impuissante par rapport à Pharaon à ce moment-là. Ce qu'elle avait, c'était son iman. Ce qu'elle avait, c'était sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, elle a refusé de se soumettre à Pharaon. elle a refusé de revenir sur sa religion. Et de là, Pharaon, alors ensuite, il a commencé à prendre ses enfants un par un. À prendre ses enfants un par un et les a jetés dans l'huile brûlante. Il a exécuté tous les enfants, jusqu'au dernier. Regardez, c'est pour ça que il est décrit comme étant l'un des plus grands tyrans, l'un des plus grands mécréants que cette terre n'ait jamais connu. C'est pour ça que le pharaon était la tête de la mécréance. Et comme on a dit, alors ensuite, il a commencé à exécuter tous ses enfants, un après l'autre, jusqu'au dernier. Même le nourrisson, le bébé qu'elle avait dans ses bras, n'a pas été épargné. Et il l'a exécuté aussi. Et ensuite, il l'a exécuté elle. Ensuite, elle a été exécutée. Donc regardez, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître sa seigneurie à lui, et elle n'a pas voulu renier son seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont tous été exécutés dans de l'huile brûlante. Sauf que, regardez, au moment où il allait exécuter cette femme, regardez ce qu'elle dit, regardez cette croyante. Et ça, c'est un exemple, vraiment, un exemple de ce qu'on appelle en arabe « al-thabat ». Al-thabat, l'affermissement dans l'iman et dans la foi. Alors, elle lui demanda juste une chose, une sorte de faveur. Avant qu'il exécute, elle lui dit, comme il est rapporté dans les récits, « Je te demande juste une chose. Je te demande juste une chose. » Elle lui dit, « C'est qu'après, tu prennes nos os, moi, mes os à moi et de mes enfants, ce qu'il reste de nos corps. » Pourquoi ? Parce qu'il les a exécutés en les brûlant dans de l'huile brûlante. Regardez ces tyrans. Regardez que lorsque les gens sont égarés, regardez jusqu'à cet égarement les manous. Alors elle lui demanda juste cette sorte de faveur, c'est qu'ils réunissent les restes de leurs os, de elle et de ses enfants, et de les enterrer ensemble. Et ensuite, elle fut exécutée. Elle fut exécutée. Et mais Allah subhanahu wa ta'ala, ne laissera jamais les croyants. Et pour ces gens, Allah jalla wa ala leur a demandé, ou plutôt il leur a promis, Allah jalla wa ala a promis à ces gens une récompense qui est immense. Ceux qui étaient patients dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec leur foi et leur croyance. C'est pour ça que vous avez même une histoire, une très belle histoire, que je vous conseille de lire. C'est l'histoire des gens du village, des gens d'un village. Et vous pouvez trouver cette histoire dans le Coran. Dans le Coran, il y a une histoire, justement. Et cette histoire, vous pouvez la retrouver dans la sourate Yassine. C'est pour ça que je vous conseille vivement, pour ceux qui peuvent, de lire la sourate Yassine. Et vous allez voir qu'au début, Allah Jalla wa Ala va nous parler de ce qu'on appelle l'histoire de Ashab al-Qarya. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit, au début, lorsqu'il va nous rapporter cette histoire, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Allah dit au prophète, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Et alors, propose-leur comme exemple. Donc, il va donner en exemple Ashab al-Qaryati idh ja'aha al-mursaloon. Il va donner en exemple les gens de ce Qarya, de cette contrée, de cette sorte de village, idh ja'aha al-mursaloon, lorsque les messagers sont venus à elle, c'est-à-dire aux habitants de cette contrée. Idh arsalna ilayhim uthnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalith فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Donc ça, c'est les premiers versets de cette histoire. Regardez, Allah Jalla wa Ala donc dit au prophète Sam, donne-leur comme exemple les habitants de cette qarya, si vous voulez, de ce village, ou plutôt de cette cité. Donc c'est l'exemple des habitants d'une cité, et Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il leur a envoyé des messagers. À savoir que Allah Jalla wa Ala, d'abord, leur a envoyé deux messagers, deux prophètes messagers. Et c'est pour ça, ce qu'il faut comprendre, les savants nous enseignent que parfois Allah Jalla wa Ala, certaines cités, où certaines nations ont reçu plus d'un messager. Ils ont reçu plus d'un messager. C'est pour ça qu'on pourrait parfois penser que Allah Jalla wa'ala, pour chaque contrée, pour chaque nation, a envoyé un messager. Non, parfois pour, il suffit d'une cité, parfois, une cité a reçu plusieurs messagers. Et Allah Jalla wa'ala nous dit que pour chaque nation, il nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Allah nous dit qu'il a envoyé pour chaque nation un messager de les appeler à l'adoration d'Allah et d'éviter l'adoration du Tarout. Et en l'occurrence, certaines cités ou certains endroits avaient reçu différents prophètes et messagers. Comme on a dit précédemment, parfois une cité recevait, Allah leur envoyait plusieurs prophètes, plusieurs messagers. Regardez par exemple, comme les savants nous disent, les enfants d'Israël ont reçu des milliers de prophètes et de messagers. Ils ont reçu, ils ont eu l'envoi, ils ont eu ce bien qu'Allah Jalla wa'ala leur a envoyé différents et de nombreux prophètes qui sont venus à Banu Israël. En l'occurrence, là, Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il a envoyé deux prophètes, deux messagers vers cette cité. Et regardez l'histoire qui est très, très, très pertinente. C'est que lorsque cette cité a reçu ces deux messagers, ces deux prophètes, alors Allah Jalla wa'ala ensuite, il a même envoyé un troisième messager. Lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit, nous leur envoyâmes d'abord deux, mais ils les traitèrent d'imposteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième. Et tous les trois leur dirent, nous sommes envoyés vers vous. Vous avez vu, d'abord Allah Jalla wa'ala vers cette cité leur a envoyé deux messagers, ensuite, pour renforcer cela, il leur a envoyé un troisième messager. Mais les gens de cette cité, les habitants de cette cité, ne faisaient que de traiter ces prophètes et messagers de menteurs. Donc ils démentaient la véracité du message de ces prophètes et de ces messagers. C'est pour cela que eux, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Lorsqu'Allah Jalla wa'ala les envoyait, alors les prophètes leur disaient « Inna ilaykum mursaloun » « Nous sommes certes des messagers de la part de notre Seigneur. » Et les gens les démentissaient, leur disaient « Qalou » « Ma antum illa basharun mithluna » Non, vous êtes juste des êtres humains comme nous. « Wa ma anzal ar-Rahman » Mais le miséricordieux, il n'a rien envoyé. « Wa ma anzal ar-Rahman min shay'in » Le miséricordieux n'a rien envoyé. « In antum illa takdhibun » Mais vous n'êtes certes que des menteurs, il leur disait. Alors regardez, la réaction des prophètes, il leur disait « قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Certes, notre Seigneur, lui, sait que nous sommes vraiment des envoyés vers vous, que nous sommes vraiment prophètes et messagers. Et regardez, ça, c'est les savants très pertinents dans cette histoire. Regardez, on est dans la première phase et la première étape. Lorsque des gens, Allah Jalla wa'ala leur envoie des prophètes et des messagers, donc la première étape, c'est de les démentir. Première chose, ils démentissent la véracité du message de ces prophètes et de ces messagers. Ça, c'est la première étape, comme vous pouvez la voir. Regardez la réaction des messagers, c'est de dire « Qalou, Rabbuna ya'lamu, inna ilaykum la mursaloun » Lui, notre Seigneur, lui, il sait. « Qalou, Rabbuna ya'lam » Notre Seigneur, lui, sait. « Inna ilaykum la mursaloun » Que nous sommes certes des envoyés. Donc regardez, c'est comme si que les messagers là leur disent, ce qui est important c'est que même si vous démentissez la véracité de cela, ce qui est important c'est que lui, notre Seigneur, lui il sait que nous sommes des messagers qui ont été envoyés à vous. Donc regardez, hein, eux ce qu'ils considéraient que l'important c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lui savait que c'était véritablement des messagers et qu'il les a envoyés. « Wa ma alayna » Et il leur disait « Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin » Et à nous, ce qui nous incombe, c'est juste de transmettre. Ce qui nous incombe à nous, c'est de transmettre. Notre mission consiste uniquement à transmettre en toute clarté le message. Une traduction relative du verset. Donc vous avez vu, les messagers, eux ont transmis, ils leur ont dit, notre mission à nous, c'est de vous transmettre notre message. Ensuite, certains commentateurs, spécialistes exégèses de ces versets, de cette histoire, ont essayé de savoir quelle était cette cité. Donc certains ont dit que c'était la ville d'Antioche, qui est située à peu près au nord de la Syrie. Et donc certains ont dit que c'était à peu près vers la ville d'Antioche. D'autres exégèses ont dit autre chose. L'important, les grands spécialistes, les savants, disent, l'important, c'est l'histoire en elle-même. L'important, c'est l'histoire en elle-même. Et que ce soit telle ou telle cité, mais ce qui est important, c'est de vraiment méditer l'histoire qu'Allah Jalla wa Ala nous enseigne ici à travers ces versets. Et donc, ensuite, là, les gens de cette cité vont dire quelque chose de très étonnant. De très étonnant aux messagers. Ils vont leur dire « قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم » Et là, ils vont leur dire « Votre venue, les gens leur dirent, est pour nous signe de mauvais augure et présage. » Regardez. Et ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'ils démentissent, alors les gens ensuite, une fois qu'ils démentissent le message, ensuite ils commencent à se moquer. Ils se moquent. Donc la première étape, c'est de démentir le message. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de se moquer. En l'occurrence, là, ils ont dit, on voit en vous que mauvais présage et mauvais augure. Et donc, ils ont commencé à se moquer d'eux. Et ensuite, là, ils vont passer à la troisième étape. La troisième étape, lorsqu'ils démentissaient les messagers, ils leur disent, « لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ » Et si vous continuez, et si vous ne cessez pas votre prêche, nous vous lapiderons. C'est-à-dire qu'ils vont les tuer, et les menacent de les tuer avec des pierres. Et ça, c'est l'un des pires châtiments de les tuer avec des pierres. Donc, ils les ont menacés de cela, de les tuer avec des pierres, de les lapider, et ils dirent, et nous vous ferons subir un affreux supplice. Donc ensuite, vous avez vu, maintenant, c'est la troisième étape, c'est toujours les supplices et les tourments. Donc observez la darwa des prophètes et des messagers, vous allez voir que les prophètes souvent, et ce n'est pas tout le temps, toujours leur peuple, lorsqu'ils les démentissaient, au départ, la première étape, c'était... Et regardez hein, l'histoire de nombreux prophètes. Au départ, lorsqu'ils arrivent à leur peuple, et c'est une miséricorde de la part de leur Seigneur, ils arrivent à leur peuple, le peuple les démentit, ils sont démentis, et ensuite, alors ils les démentissent, ils se moquent d'eux, la deuxième étape, c'est qu'ils vont se moquer d'eux, et ensuite, ils vont les menacer. Et là, ça va être les menaces physiques, les menaces de supplice, et de les torturer. Et regardez par exemple, le prophète Isa alayhi salam, celui que tout le monde appelle, beaucoup appellent Jésus, Isa, et pour nous les musulmans, il est nommé Isa alayhi salam. Regardez, alors qu'il avait été envoyé aux enfants d'Israël, regardez tous les supplices qu'il a subis, ils l'ont traité de menteur, ils ont insulté sa mère, Mariam, qui est l'une des femmes les meilleures de tout l'univers, et ils ont traité sa mère de femme fornicatrice, qu'elle a commis l'adultère, et lui de fils d'adultère, et autres, jusqu'à ce qu'ils l'ont supplicé, jusqu'à ce qu'ils l'ont crucifié. Enfin, ils croient qu'ils l'ont crucifié, c'était leur intention de le crucifier. Mais Allah, Jalla wa Ala, l'a élevé vers lui. Et ce n'est pas lui qui a été crucifié. Mais leur but, c'était de le crucifier, et ils pensent qu'ils l'ont donc crucifié. Et regardez l'exemple de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam aussi. Lorsqu'il est venu, ils l'ont traité de menteur. Ils se moquaient de lui, et ils se moquaient des croyants, de ceux qui le suivaient. Et ensuite, jusqu'à ce qu'ils lui ont fait subir aussi des supplices. Regardez le premier. Là, on a donné l'exemple du dernier messager, qui était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a subi tous ces supplices et ces tourments de la part de son peuple, après qu'ils l'ont traité de menteur et d'imposteur. Regardez, si on prend l'exemple du premier des messagers, Nuh, alayhi salam, on voit que lui aussi n'a pas été épargné, le premier messager, jusqu'à ce que, ils l'ont démenti, ils l'ont pris en raillerie, ils se moquaient de lui, jusqu'à ce qu'ensuite il y a eu ce qu'on appelle le déluge. Le déluge. Et jusqu'à ce que Nuh, alayhi salam, ensuite, a construit son arche, et ensuite tous ceux qui ont été sur l'arche, et qui se sont sauvés avec Nuh sur l'arche, ont été sauvés. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'arche, elle a été appelée plus tard l'arche de Noé, l'arche de Noé. Tous ceux-là ont été sauvés lorsqu'il y a eu le déluge. Donc regardez, ça c'était la manière de faire des différents peuples, et on voit cela jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que c'est un grand rappel pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, les partisans des prophètes et des messagers sont pris en raillerie. sont pris en raillerie, comme les prophètes ont été pris en raillerie. Si vous pensez que les prophètes et les messagers, les anges se sont raillés d'eux, ils se sont moqués d'eux, ils les ont traités d'imposteurs, et ils ont ri de leur religion, et se moquaient de leur religion. Vous pensez que les croyants d'aujourd'hui vont vivre autre? Non. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner lorsqu'une religion est prise en raillerie. C'était le cas de beaucoup de nations dans les siècles précédents. Sauf que, lorsqu'on regarde la finalité, puisque ça c'est le début, c'est le début de l'histoire, c'est le début de l'histoire de cette histoire justement, Ashab al-Qarya, mais on a dit aussi c'était le début de, par exemple, de Noé. À la fin, ça termine avec le déluge, et son peuple donc a été anéanti. Regardez, ensuite, notre prophète Mohammed, c'était le début, mais ensuite Allah Jalla wa Ala l'a assisté, l'a soutenu, et lui a donné la prédominance, et le message du prophète s'est propagé. C'est pour ça qu'ensuite, la réussite n'appartient qu'aux copieux, n'appartient qu'aux vertueux, et Allah Jalla wa Ala donne succès et fait connaître le succès, le triomphe à ceux qui sont patients et endurants. Je vous termine juste, regardez avec cette histoire qui est immense. Lorsque donc ils ont pris en dérision ces messagers, cette cité, les gens de cette cité, et lorsqu'ensuite ils les ont pris en raillerie, ils se moquaient d'eux, et lorsqu'ensuite, maintenant, la troisième étape, on a dit, ils les ont menacés en leur disant qu'on va vous lapider. Et là, regardez ce que les messagers ont répondu lorsqu'ils leur ont dit qu'ils étaient pour eux mauvais présages. Alors les prophètes répondirent, s'il y a mauvais présage, répondirent les prophètes, il en est en vous-même. Ce mauvais présage, en réalité, est en vous-même. Est-il possible qu'un simple rappel, regardez ce que leur répondent les prophètes, est-il possible qu'un simple rappel vous irrite à ce point, vous êtes vraiment des gens portés à l'excès. Regardez. قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Regardez ce que les messagers leur ont répondu. Ils ont dit en vérité ce mauvais présage et ce mauvais augure, il est en vous-même. أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Vous ne faites que être rappelés au bien. C'était un rappel pour eux. Et voyant ce rappel, un mauvais présage. Alors les prophètes leur disent en réalité, ce mauvais présage et cette mauvaise augure est en vous-même. Et c'est là qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, regardez dans le verset ensuite, Allah dit, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Et c'est là qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, et vint un homme. Un homme vint, tout d'un coup, qui a couru de l'autre bout de la ville, et vint dire, ô mes concitoyens, écoutez ce que vous disent les prophètes. Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont sur le droit chemin. Pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a créé et vers qui votre retour est inéluctable? Dois-je prendre en dehors de lui des divinités qui, si le miséricordieux voulait me faire du mal, ne sauraient ni me soutenir ni assurer ma sauvegarde? Il part de ses divinités. Si jamais j'agissais ainsi, l'homme dit, je serais dans un égarement manifeste. Certes, je crois en votre Seigneur, messager, soyez-en témoin. Alors, regardez cet homme. Il est rapporté dans les commentaires, dans l'exégèse de ces versets, que cet homme, c'était un homme pieux, c'était un vertueux, c'était un croyant. Et il est rapporté, il y a des détails qui sont rapportés dans l'exégèse, dans l'explication du verset, que cet homme aussi était malade. C'était un homme qui était croyant, qui était vraiment bon, c'était un homme bon. Et par contre, il était malade, il était vraiment éprouvé. Il était malade, il était vraiment, vraiment éprouvé, Ken Majdoum, et il ne pouvait pas marcher vraiment, il n'avait pas toute cette force pour marcher facilement. C'était très difficile pour lui de marcher et autres. C'est pour ça qu'il est rapporté que lorsqu'il vient, ça, il faut bien comprendre, lorsqu'il vint, dans le verset, il est rapporté qu'il vint du bout de la ville. Mais lorsqu'il vint, c'était très difficile pour lui de venir. Donc il vint vers le peuple, vers son peuple, avec difficulté et lui, il était croyant. Donc il est venu avec toute cette difficulté, cette pénibilité du fait qu'il était vraiment malade. Et là, il vint vers son peuple pour lui dire, « Oh mon peuple, croyez en eux. Ce sont des prophètes et des messagers. Ce sont des prophètes à vous. Croyez en eux. » Regardez ce qu'il leur dit pour essayer de les convaincre. « Ils vous demandent aucun salaire. Il ne vous demande pas, il n'y a aucun intérêt en cela. Il ne vous demande aucun salaire. Il vous demande juste de croire. Et dire, croirais-je aux divinités? Alors que ces divinités, si Allah Jalla wa Ala me veut du mal, ces divinités ne pourraient pas nous sauver et nous soutenir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez cet homme 20, et vous pouvez même retrouver dans certains commentateurs, ont même évoqué son nom, qui il était. C'est pour ça que c'est très pertinent de revenir à l'explication. Et là ensuite, cet homme, donc il a essayé de convaincre son peuple. Il a essayé de le convaincre que vraiment il fallait les suivre, et c'était des prophètes et des messagers à eux. Donc regardez, c'est très pertinent ce qu'il leur dit pour les convaincre. Alors il dit, certes je crois en votre Seigneur. Regardez, donc lui, l'homme est venu du bout de la ville, il a accouru, mais vraiment avec difficulté puisqu'il est dit dans l'exégèse que c'était une personne qui était éprouvée, qui était malade. Il vint et il dit, inni amantu bi rabbikum, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Et lui a professé sa foi. Il dit, certes, je crois en votre Seigneur, messager, soyez-en témoins. Écoutez bien, il leur dit, soyez-en témoins. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Et là, pourquoi j'ai voulu vous raconter cette histoire du fait qu'on voit là, il y a de nombreuses leçons à tirer. Et là, on voit vraiment le message des prophètes et des messagers. On voit comment ça a été accueilli par les habitants de cette cité, qui sont à l'exemple d'habitants de nombreuses cités, quel que soit le temps et l'époque, même avec les époques, on voit que la réaction de beaucoup de gens face aux prophètes et des messagers n'a pas changé, c'est pour ça que c'est un grand exemple. Et regardez cet homme qui a cru. Et cette histoire, elle est même en relation avec l'histoire précédente que je vous ai racontée concernant la coiffeuse de la fille de Pharaon. Regardez, elle a cru, ensuite Pharaon l'a exécutée. Et bien regardez, quand on a dit qu'Allah Jalla wa Ala réserve vraiment une grande récompense justement pour ceux qui sont constants et fermes dans leur croyance. Regardez cet homme lorsqu'il va professer sa foi et la croyance en ses messagers. Comment vont prendre cela ces gens de cette cité, ces gens de cette cité? Regardez, il est dit. Alors, dans les versets qui suivent, alors l'homme dit, certes, je crois en votre Seigneur messager, soyez-en témoins. Alors, l'homme fut lapidé. Donc son peuple, ensuite, ils l'ont lapidé. Et c'est de là, c'est pour ça que ceux qui expliquent les versets, ils disent qu'ensuite l'homme, il a été tué, et c'est de là qu'il a entendu une voix. Allah Jalla wa Ala, dans le verset, dit « Qila dukhulil jannah »« Qila »« Qila dukhulil jannah »« Qala ya layta qawmi ya'lamun »« Bima ghafara li rabbi » وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Regardez, lorsque l'homme fut lapidé, il nous est dit dans le verset, il est stipulé qu'une voix a annoncé à cet homme, entre au paradis. Donc eux, ceux qui nous ont expliqué, les grands savants qui nous ont expliqué le verset, ils ont dit que l'homme, il a été ensuite exécuté par son peuple, ils l'ont lapidé. Mais dans le verset de la Jalla wa Ala, nous stipule bien qu'une voix, nous enseigne qu'une voix a dit à cet homme, rentre au paradis. Et regardez, pendant que lui s'exclamait, « Ah, si mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné et qu'il m'a mis au rang de ceux qu'il a honorés. » Regardez, alors qu'ils l'ont lapidé, et alors qu'ils étaient en train de le tuer, une voix disait à cet homme, « Entre au paradis. » Donc Allah Jalla wa Ala lui a promis et le fait rentrer au paradis. Regardez ensuite, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ya laytani » ou plutôt, « Ya layta qawmi ya'lamoun » « Oh, si seulement mon peuple le savait. »« Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin » »« Si seulement mon peuple le savait, » il s'exclama, « Oh, s'il savait vraiment que mon Seigneur, comment est-ce qu'il m'a pardonné et il m'a mis au rang de ceux qu'il a honoré. » Donc lui, on voit que Allah Jalla wa Ala, il nous dit que cet homme qui est venu à son peuple et qui leur a dit de croire aux prophètes, aux messagers, ils l'ont tué. Regardez, de la même manière que Pharaon avait tué cette femme. Mais Allah Jalla wa Ala l'a fait rentrer au paradis. Et Allah Jalla wa Ala lui a pardonné, comme il nous dit. Et lui, il dit, cet homme-là qui a été tué, il dit, « Oh, si seulement mon peuple savait comment est-ce qu'Allah m'a honoré, comment est-ce qu'Allah m'a pardonné, comment est-ce qu'Allah m'a honoré. » Mais regardez, pour terminer cette histoire, comment Allah Jalla wa Ala, ensuite, il les a châtiés. Il a châtié les habitants de cette cité. Et il nous dit, mais après sa mort, regardez, après la mort de l'homme, Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, mais après sa mort, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِ مِنْ بَعْدِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Allah nous dit dans le verset, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. Mais après sa mort, nous n'expédiâmes contre son peuple aucune armée du ciel. Et nous étions nullement disposés à le faire. Donc Allah, Jalla wa'ala, dans ce verset, il dit qu'ensuite, il n'a pas envoyé une armée venant du ciel pour punir ce peuple. Il n'a pas envoyé cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir là, le grand enseignement qu'on a à travers la lecture de ce verset. Allah dit qu'il n'a pas envoyé une armée du ciel. Comme il dit, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Allah dit, et on n'était pas prédisposés à le faire. Allah, c'est pas comme ça qu'il a voulu les châtier. Il leur a pas envoyé une grande armée du ciel. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Mais regardez Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Il a suffi d'un seul cri pour qu'ils fussent tous anéantis. Un seul cri. Et certains, dans l'explication de ces versets, certains ont dit qu'Allah Jalla wa Ala envoyait un ange. Envoyait un ange. Et il y a eu justement le cri. Et ils sont tous morts. Ils ont tous été exterminés et anéantis par ce cri. Certains stipulent même que c'était Jibril. Qu'Allah Jalla wa Ala envoyait l'ange Jibril. Et donc ils furent tous anéantis et exterminés par un cri. Et c'est pour ça que, regardez, ces versets, il faut vraiment les méditer, ils sont lourds de sens, il y a vraiment une grande exhortation, puisqu'Allah dit qu'il n'aura pas envoyé des armées du ciel. Regardez, et ça c'est à titre d'humiliation. Allah pouvait envoyer des armées d'anges, il pouvait leur envoyer des foudres, il pouvait leur envoyer des pluies dévastatrices, des vents dévastateurs. Allah Jalla wa'ala pouvait envoyer et décréter par exemple des séismes, des tremblements de terre, un déluge. Mais Allah Jalla wa'ala les anéantis avaient juste un cri. Un cri. Allah Jalla wa'ala dit, nous ne leur avons pas envoyé des armées du ciel. Et ça dénote vraiment la grande puissance de notre Seigneur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une grande exhortation. Regardez aujourd'hui. Regardez le monde qui vivait une évolution, qui vivait des progrès scientifiques, où les avancées scientifiques étaient énormes, avec une technologie moderne qui était énorme. Vous avez vu tous ces progrès scientifiques, toute cette technologie moderne, et les États se pensaient invincibles. Regardez, Allah Jalla wa'ala n'a pas en titre de punition pour faire réfléchir, pour réveiller les gens de ce coma. Allah leur a pas envoyé des foudres du ciel, des armées, mais regardez, ne serait-ce, regardez, juste un virus qu'on ne voit pas. Regardez, juste ce virus qu'on ne voit pas, que personne voit, quelque chose d'infime, fait trembler le monde, a immobilisé, a paralysé tout, toutes les économies de tous ces pays, toutes les économies, l'économie mondiale est paralysée. Les gens sont même eux-mêmes tous paralysés, tout le monde est confiné chez soi, pour une chose qu'on ne voit même pas. Pour une chose qui est invisible, à l'œil nu. C'est pour ça, et ça, c'est des choses à méditer. Allah Jalla wa'ala nous donne des rappels. Et c'est pour ça que c'est une miséricorde. Et à ce moment-là, les gens doivent se rappeler. C'est même un bien ici pour celui qui ne croit pas encore de réfléchir, de se réveiller. Et de se dire qu'il y a son créateur, son seigneur, qui lui fait un rappel. Et donc Allah Jalla wa'ala nous fait un rappel avec cela. Et quand on regarde et on médite la sourate Yassine, regardez ce rappel immense. Donc Allah Jalla wa'ala dit un seul cri. Allah dit dans les versets de traduction relative, In kanat illa sayhatan wahida, fa idha hum khamidun, ya hasratan ala al-ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Illa kanu bihi yastahzi'un. Regardez, Allah dit, il a suffi d'un seul cri pour qu'ils fussent tous anéantis. Hélas. Regardez. Ya hasratan ala al-ibad. Hélas. Quel malheur pour les serviteurs. Combien est triste le destin des hommes. Regardez Allah Jalla wa'ala, qu'est-ce qu'il dit. Subhanallah. Il dit, ya hasratan ala al-ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Hélas, traduction native du sens versé, combien est triste le destin des hommes. Aucun prophète ne vient avec eux ou vers eux sans qu'ils le tournent en dérision. Sans qu'ils le tournent en dérision, sans qu'ils se moquent de lui. Et Allah dit, ne voit-il pas combien de générations nous avons fait anéantir avant eux? Combien de générations nous avons anéanti avant eux et qui ne sont plus jamais revenus? Alors que toutes, sans exception, comparaîtront devant nous. Regardez ce qu'Allah dit. Ne méditent-ils pas, ne réfléchissent-ils pas à toutes ces générations précédentes? Combien de générations qu'Allah Jalla wa Ala a anéanti? Combien d'entre eux et qui ne reviendront plus jamais? Alors que toutes, sans exception, elles comparaîtront, Allah Jalla wa Ala dit, devant nous. Voilà, donc c'est un grand rappel. J'ai voulu qu'on se fasse un rappel avec ça, puisqu'Allah Jalla wa Ala fait un grand rappel justement aux hommes avec cela. Et Allah conclut cette histoire en leur disant, n'y a-t-il pas un signe pour eux dans la terre morte que nous faisons revivre et de laquelle nous tirons des grains dont ils se nourrissent? Nous y avons créé des jardins complantés de palmiers et de vignes et nous y avons fait jaillir des sources afin que de leurs fruits ils se nourrissent, bien que ces fruits ne soient pas l'œuvre de leurs mains. Que ne rendent-ils grâce? Que ne rendent-ils pas grâce au Seigneur subhanahu wa ta'ala? Et donc, voilà, je voulais qu'on se fasse un rappel. Donc, on a terminé l'étude de ce chapitre, Inch'Allah. Et demain, on continuera l'étude d'un chapitre. Je voulais terminer cette étude avec un rappel. Si vous avez pu voir, parfois, on est dans l'explication pour apprendre certains enseignements. Et parfois, on fait du rappel. Surtout en période de confinement, les cœurs ont besoin de rappel. Donc, on a conclu l'étude de ce chapitre avec un rappel. Je voulais qu'on se fasse un petit rappel. Et demain, Inch'Allah, on commencera l'étude d'un nouveau chapitre avec la permission d'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.